Dès l'heure, on ne parle plus d'intégration, car on ferme les esprits, les frontières, les maisons. Dans nos campagnes et nos villes, la peur de l'autre a la vie facile. Il a gagné, il est resté, les couleurs polluées.